je vous remercie de m'avoir invité. Je suis vraiment très, très impressionnée d'être à Versailles. Nous aussi. Et surtout de parler devant mon maître, qui je dois toute ma formation et ma carrière. Alors, je ne vous parlerai pas en bonne proustienne et en anti-beuvienne. Je ne vous parlerai pas de Montesquieu, des anecdotes et de l'ancrage de l'écrivain dans un lieu. Je me contenterai du livre, puisque le livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Et je me concentrerai encore plus, puisque je ne veux pas déborder, sur un recueil intitulé « Les perles rouges ». Alors, il y a chez Montesquieu, alors je ne peux pas m'empêcher de parler de Proust, vous voyez, c'est comme le couvre-lit à fleurs de Tante Léonie, je veux m'en éloigner, mais à chaque fois je sens que je ne vais pas m'engluer, ce n'est pas joli, mais je suis irrésistiblement attirée, donc vous me pardonnerez ces petites comparaisons. Il y a chez Montesquieu deux côtés, comme chez Marcel, et il y a aussi chez lui un côté barésien, un déraciné, un Montesquieu des villes, un Montesquieu des champs. Le sud-ouest des racines familiales, il en parle dans Les Pas effacés, dans ses mémoires, mais il y a aussi le pari de la création d'un moi mondain en perpétuelle métamorphose. Le recueil qui nous intéresse, Les Perles rouges, avec deux éditions, 1899, Charpentier et Fasquelle, donc 93 sonnets historiques, et une deuxième édition illustrée de Quatre eaux-fortes d'Albert Bénard, publiée chez Georges Gérard en 1910. Et bien, ce recueil nous offre une longue préface dans sa réédition sur laquelle je me pencherai, surtout le portrait de Robert de Montesquieu, et c'est un véritable art poétique. Alors curieusement, la préface est presque aussi importante que les poèmes. Je dirais que c'est la clé de lecture. Alors tout d'abord, le titre paradoxal qui ne nous laisse pas deviner du tout qu'il s'agit de Versailles. En effet, nous avons l'association de deux couleurs. Alors non pas le rouge et le noir, mais le rouge et le blanc. Mais c'est une couleur qui semble traverser l'horizon littéraire. Pensons à Anatole France, le lys rouge, ou bien d'ailleurs une allusion à Marie-Antoinette qui est le lys rose. Je ne citerai pas la dame en rose, mais vous voyez l'idée que j'ai derrière la tête. Il y a aussi la lettre écarlate, bon, pour sortir du domaine français. Pourquoi passer du blanc, le blanc de la fleur de lys, à ce rouge? C'est peut-être pour évoquer de manière antithétique cette pureté du passé et la souillure des événements plus ou moins lointains, dans une vision de la décadence. Pas de progrès, mais au contraire la nostalgie d'un monde ancien disparu, figé dans une perfection et qui est évidemment propice, on en a parlé, à la nostalgie, à la mélancolie. Voilà. Je pensais également à cette expression dans la préface de Robert de Montesquieu, sonnets rougeoyants et sombres. Voilà, le rouge et le noir qui réapparaissent. On songe évidemment à la couleur rouge de Sylvie pour Proust. Vous voyez, cette couleur qui est plus qu'une atmosphère. Bon, la dame en rose, le petit pan de mur jaune, on n'est pas très loin de l'univers proustien. Et la préface, alors pourquoi je défends tant cette préface, elle nous présente une prose poétique, une symphonie sanglante, un camailleux, mais aussi un exercice de style faussement impassible, car il s'agit de parler d'un monde disparu, mais sans adopter le ton du moraliste ni de l'historien, mais avec une véritable empathie. Montesquieu nous invite à une promenade, à une rêverie, mais une rêverie qui n'est pas légère. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce labyrinthe des poèmes, des sonnets, on sent la lourdeur, je dirais, d'un passé hanté par l'angoisse de la ruine, de la perte et de l'absence. Mais pourquoi avoir choisi des sonnets? On y trouve peut-être là le goût du collectionneur, qui préfère mise en place d'une statue héroïque et narcissique du moi, plutôt une série de perles. Donc on est dans le petit, songeons à Gautier et Mosé Camée, et il préfère cette gageure qui consiste à mettre à transformer en microcosme l'univers gigantesque de Versailles. Et il préfère à la poésie monumentale du tombeau poétique cette poésie du petit. Voilà. Et en même temps, Il nous permet de renouveler cette image qu'on a du classicisme, parce qu'il est vrai qu'on pense toujours évidemment aux jardins, aux lignes, aux grandes perspectives, aux grandes ouvertures, à quelque chose de figé, justement, de monumental. Or, on trouve dans cette poésie précieuse, dans tous les sens du terme, le miroitement et les excès baroques, qui constituent aussi un des aspects du XVIIe, et d'ailleurs, il parle certes beaucoup de Louis XIV, mais il y a toute une série de Louis. Bon, il n'ira pas, comme dans le poème de Prévert, qui se plaint de l'interruption de la lignée. Alors, pour revenir encore à ce titre, puisqu'il faut présenter un recueil qui est peu connu, hein, je le reconnais, on a un style précieux, et aussi là, le choix d'une forme qui est peut-être un carcan, une prison, aussi un défi. Le sonnet, c'est une forme qui a survécu. Depuis, je n'ai pas remonté aux origines, évidemment. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il traverse les siècles, que ce soit le XVIe, le XVIIe, et même encore au XXe. Et c'est une manière de renvoyer en abîme à la survivance de ce titre, de toute façon, est indépassable. Alors, le sonnet, forme corsetée, une écriture de l'entre-deux, comment faire du moderne avec de l'ancien, hein, au lieu de plonger dans l'inconnu. Et surtout, le miroir de concentration d'un univers disparu, alors je cite la préface, « Rassemblé dans les quatre strophes d'un sonnet, Louis XIV, avec ses perruques, ses grands hommes et ses belles femmes, » bon, vous voyez, hein, chacun ses qualités, hein, les hommes sont grands, les femmes sont belles, bon. « N'est-ce pas aussi ardu que d'introduire un chameau dans le trou d'une aiguille ?» Alors vous voyez qu'ils ne se prend pas non plus complètement au sérieux. On aurait pu avoir une poésie pleine de majesté, de solennité, mais on sent que l'esprit facétieux de Montesquieu n'est pas loin, et qu'il y a la conscience aiguë, une conscience tragique et douloureuse, d'un monde disparu dont il fait quelque peu partie, puisque dans les pas effacés, bon, je ne m'attarderai pas sur ses mémoires, mais il remonte, il fait allusion à D'Artagnan, à une grande lignée de héros. Donc des héros, mais des héros qui n'ont plus, qui deviennent inactuels, qui n'ont plus leur place. Voilà. Et on n'est pas loin, évidemment, on pourrait s'attendre à une distorsion burlesque, hein, parce qu'il est évident que Louis XIV, avec ses perruques, s'est maître ancré Versailles dans un univers de théâtralité exacerbée. Et grands hommes et belles femmes, alors évidemment, on pense, est-ce qu'il y a le désir de construire un panthéon, mais non pas un panthéon monumental, mais un petit panthéon, un petit cimetière, hein, un cimetière plus personnel, hein, où il y aurait une conversation avec les grands hommes du temps passé, hein, comme le dit Descartes. Alors après cette présentation, j'aimerais évoquer la dimension historique. Donc c'est évidemment un poème, un recueil de poèmes historiques qui nous montre combien il est véritablement hanté, hein, au même titre que chez Naudier. Hein, chez Naudier, on a toujours ce fantastique des têtes coupées. Et bien, dans certaines pages du recueil, on voit toutes ces têtes couronnées, hein, qui ne cessent de tomber, les bassins qui s'empourprent. Un aspect presque fantastique, favorisé par l'atmosphère automnale et crépusculaire. Voilà. Évidemment, la figure tutélaire s'est chénier. Alors, n'y a-t-il pas un jeu entre le poète et son double, le poète et ses doubles? Évidemment, le premier à être décapité, c'est Orphée, évidemment. Mais alors, les ménades de l'histoire, on pense évidemment aux femmes, hein, qui se sont même acharnées sur les gardes suisses, à toutes ces scènes terribles, à la princesse de Lamballe. Donc, vous voyez que le mythe et la réalité se rejoignent. Voilà. Alors, le recueil Les Perles Rouges se présente comme une galerie des glaces poétiques, illustrant ce que Michelet appelle la résurrection intégrale du passé. Voilà. Donc il n'y a pas de distance, on est plutôt, alors bon, pardonnez-moi ce jargon, mais plutôt dans l'hypotypose poétique, dans la chose vue. Hein, il ne s'agit pas de voir dans un manuel ou bien de manière déformée, mais on est sur place. Il y a une manière de nous plonger, comme dans le bain, d'ailleurs il évoque Mesmer, le magnétisme, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu magique dans ce lieu ? Voilà. Et cette résurrection se fait grâce à une plume, on pense évidemment au panache, une plume entre deux siècles. Voilà. Alors, ce n'est pas le premier à s'attaquer à un univers qui ressurgit des ténèbres. Nous songeons évidemment à Verlaine, aux Fêtes Galantes, ou même au XVIIIe siècle, cher à Goncourt, ou même à Gautier, cher à Proust, hein, que ce soit le Capitaine Fracasse, ou bien dans Les Trois Mousquetaires. Et je ne puis m'empêcher de citer 93. Pourquoi 93 perles, hein? Peut-être est-ce une allusion au roman historique de Victor Hugo, ou bien aussi à cette période particulièrement sanglante. Dans sa préface, Montesquieu dit « la royauté aux approches de la Révolution ». Donc on retrouve cette figure romantique, et même, bon, cela dépasse de loin le XIXe siècle, du poète prophète. Donc au lieu d'être une poésie précieuse de salon, hein, comme on pourrait lire un petit poème entre deux tasses de thé, tout d'un coup, les apparences se dissipent et on comprend qu'il y a du sérieux derrière la bagatelle. Et qu'en réalité, c'est une poésie faite de pressentiments, une poésie qui doit faire frémir le lecteur contemporain. Alors, l'arrière-plan historique, on le retrouve même dans des petits objets. On parlait du collectionneur, des bibelots. Pensons au ferret de la reine ou même au collier de la reine. À toute cette série de femmes décapitées, hein, qui sont, si j'ai le temps, je lirai quelques extraits. Donc, poésie prophétique de fin de règne, mais qui est en harmonie avec la fin de siècle. Donc, ainsi, par superposition historique, il ne s'agit pas de faire, de chercher de la couleur locale ou du kitsch, de faire de l'image d'Épinal, l'imagerie d'Épinal. Mais en réalité, il faut faire coïncider par un phénomène de superposition poétique des réalités semblables. Alors Versailles, puisque nous cherchons l'ancrage historique, c'est aussi le spectre de la Commune, comme pour chez Proust. Hein. Certains biographes disent que la grossesse de Madame Proust, n'oublions pas qu'il est né en juillet 71, a été certainement un peu difficile avec le contexte sanglant de la guerre civile. Et si on a en tête le rêve de Swann, à la fin de l'amour de Swann, il y a le tocsin qui sonne, des personnages qui s'enfuient, et il y a un incendie gigantesque. Vous voyez que même dans l'inconscient proustien, on voit ressurgir ce spectre que l'histoire d'ailleurs et la Troisième République ont voulu enfouir. Voilà. Alors cette Commune, il me semble qu'elle est présente de manière explicite dans la préface lorsqu'il écrit « C'est l'hydre sociale qui mêle à des rugissements ignés les caillots vermeils de la tragique aventure ». Mais tout cela pour nous rappeler aussi évidemment le drapeau rouge de la Commune qui, comme chacun le sait, a servi de linceul à Lénine. Voilà. La Clio est présente à l'orée du recueil. Il dit « Je ne suis pas un historien, pourtant, et... » Mais cela ne l'empêche pas de faire de la poésie historique. Alors, je cite quelques mots très importants dans la préface. Il parle de la fantaisie et de l'histoire. Voici deux notions qui nous interpellent. Souvenez-vous, puisqu'on parle de la Commune et de la guerre contre la Prusse, des contes du lundi de Daudet. Hein, la fantaisie et l'histoire, hein, ce sont des titres des sous-parties. Ou bien alors un texte retrouvé dans un journal il y a quelques années de Rimbaud, Le rêve de Bismarck, qui s'appelle Fantaisie, hein, où il évoque de manière grotesque un chef d'État tout à fait ridicule. Voilà. Et puisqu'on est dans la fantaisie et dans l'histoire, citons encore Montesquieu qui parle de toute la fantasmagorie des trois règnes. Voilà. Et c'est très joli la fantasmagorie parce qu'il y a à la fois des fantômes, du fantasme et aussi peut-être des vues de lanternes magiques. Voilà. Et il le dit lui-même, je le cite, « Versailles a toujours et dès mon enfance fortement agi sur mon intellect et mon cœur ». Alors ce n'est pas la raison pascalienne, mais l'intellect et le cœur, voici deux pôles d'inspiration, hein, et on se souvient que Proust disait « chaque jour j'accorde moins de prix à l'intelligence ». Et quand il évoque l'intellect et le cœur, est-ce qu'il ne... Alors je ne peux m'empêcher de faire ce parallèle. Est-ce qu'il ne met pas en parallèle deux types de mémoire, comme chez Proust? D'un côté, il s'agit de réfléchir sur le passé, de repenser l'histoire, sans être historien, imposture de modestie, de tirer comme Hegel des leçons de l'histoire peut-être, mais puisqu'il parle aussi du cœur, il s'agit de revisiter l'histoire connue, mais avec l'émotion, l'empathie, les rêveries d'un promeneur solitaire fin de siècle. Voilà. Mais alors pourquoi parler de l'enfance? Pourquoi parler de Versailles? Alors il le dit lui-même, il est né, j'y suis presque né. Quelle coquetterie! Alors que tant d'auteurs, tant de, même de personnes, veulent absolument être nés à Paris, le dire. Hein, voilà. Tandis que lui, c'est non. J'y suis presque né, Paris n'est rien par rapport à Versailles. Hein, voilà. Il est né à Paris comme Proust, comme Anna de Noailles d'ailleurs. Et chez un écrivain, être né ailleurs, être d'ailleurs, cela oriente tout à fait la suite des pages à noircir. Hein. Même, pardonnez-moi, évidemment, ce saut dans le temps, mais qu'on pense à Duras et son inamitude, hein, qui rêve, qui se dit avec ses frères être les petits-enfants jaunes et maigres et qui renie la ressemblance avec la mère, ou pensons à la nipponitude ou nipponité d'Amélie Nothomb. Voilà. Alors, y aurait-il une versaillitude ou une versaillité intime et secrète? Il veut être né à Versailles, comme Henri IV est né au château de Pau. Pardon. Être et écrire, voici le lien métonymique. Et l'on sait que peut-être que Proust avait besoin, effectivement, de séjourner à Combray, à Venise, d'être parisien. Il faut être sur les lieux pour sentir ses racines, même métaphoriques. Alors, à mi-chemin entre les correspondances baudelairiennes et la réminiscence olfactive, hein, l'odeur et la saveur qui continuent à porter l'édifice immense du souvenir, comme vous le savez, le Pontesquieu veut véritablement subir... Il le dit, je cite, « l'inspiration et la dictée ». Vous imaginez, inspiration et dictée? Mais la dictée, c'est déjà avant l'heure l'écriture automatique du surréalisme. Hein, on pense évidemment aux résidences d'écriture, mais il a presque inauguré cette institution vénérable. Et il parle, je cite encore, « de l'instinctive nécessité de me soumettre au contact direct, à l'immédiate effluve du passé ». Alors pour le chef des odeurs suaves, cela est évident. Alors j'irai plus loin dans cette expérience mémorielle. L'épisode de la Madeleine trempée dans un peu de thé vous est évidemment connu. Mais est-ce qu'il ne veut pas, à sa manière, se retremper dans des lieux de mémoire historique? Il le dit. Je m'installais donc alors pour une saison dans le rez-de-chaussée du vaste et bel hôtel que possédait à cette époque l'éminent, le regretté maître Cléry près du bassin de Neptune. Et comme dans l'épisode de la Madeleine que vous avez reconnu, se déroule comme l'archéologie sous-marine, hein, ce qui est ancré dans les profondeurs du moi, dit Proust, remonte à la surface de ma claire conscience. Alors lui ne va pas plonger dans une tasse, mais plutôt dans ses bassins de Neptune, avec un hommage évidemment à ce dieu de la mer. Voilà. Et puisqu'on est dans la réflexion sur les lieux de mémoire, sur l'imprégnation, sur l'atmosphère, citons encore une fois, cette préface si précieuse, il souhaite apposer un jour en mémoire de lui, mais mémoire de lui, ce n'est pas la mémoire de Robert de Montesquieu, c'est la mémoire du poème. Donc vous voyez, par métonymie, il ne faut pas qu'on se souvienne du poète, mais du livre, hein, comme dirait Ovide, hic liber, hein, qui va vers Auguste, hein, malgré l'exil. Et vous pouvez faire un petit pèlerinage au numéro 2 de la rue de Maurepas. Et il dit une petite plaque, une plaquette. Et on sait combien le statut du petit, qui est un adjectif proustien, est important, hein, que ce soit le petit pan, le cabinet, le morceau de Madeleine. Chez Proust, comme chez Montesquieu, le petit, c'est beau. Le petit, c'est important. Donc, poème microcosme, nous l'avons dit, curiosité esthétique, poétique de la concentration et de la surprise, un véritable bibelot d'inanité sonore, qui est à comparer avec les vanités, au sens pictural du terme, comme dans les plaisirs et les jours. Alors, puisque cela me servira de transition pour aborder cette émulation du poète avec les autres formes de création. Alors, nous avons tous en tête Gaspard de la Nuit, hein, qui s'inspire de Goya et de Callot, et les visions fugitives d'Aloysius Bertrand sont certainement présentes dans l'imaginaire, même s'ils ne sont pas des poèmes en prose, chez Montesquieu. On est dans la pratique de l'ekphrasis. Rivaliser avec les arts, que ce soit de la musique ou de la peinture avant toute chose, je ne sais. Lui aussi pourrait dire, moi aussi je suis écrivain, Et vous savez que c'est difficile quand on est écrivain et qu'on se retrouve chez Huysmans, chez Proust, chez Lorrain, et qu'on n'arrive pas à être un sujet littéraire et qu'on se contente d'être un objet. Mais l'objet, c'est vraiment l'anéantissement du moi. Ça, il en parle dans les mémoires. Voilà. Alors moi aussi, je suis peintre, peintre paysagiste. Si vous parcourez les pages, vous découvrez, vous pourrez découvrir ces tableaux. Des pages paysages, des paysages état d'âme. Souvenez-vous de Verlaine, votre âme est un paysage choisi. Cela lui conviendrait tout à fait. Et d'ailleurs, il l'a confié à Albert Bénard, éminent décorateur, prestigieux portraitiste, dit-il, le soin d'apparaître. Alors c'est quand même intéressant de voir que Versailles entre en concurrence avec le moi de Montesquieu. Voilà. Il s'agit moins d'un portrait, d'un autoportrait, que d'un portrait de ville. Et on connaît cette tradition littéraire, que ce soit la Venise de Barrès et aussi chez Morand, avec entre autres le New York, hein, le portrait de ville. Voilà. Il n'est pas le seul, hein, il cite d'autres. Je cite « reproducteur attitré des peintres fidèles », et le mot « fidèle » me plaît, comme les fidèles du salon Verdurin. Je cite « presque affidés qui ont subi son emprise et s'appliquent à faire passer pieusement ce qui lui reste d'appât en des tableaux qu'il sature de sa nostalgie comme il les pénètre de son charme ». Alors là, tout est là. En particulier, vous avez à la fois la fidélité, comment rester fidèle, comme Chateaubriand en son temps, voilà, un monde disparu. Il parle aussi d'emprise. Il me semble que la sorcellerie vocatoire de la poésie est présente ici. Une emprise, pieusement, c'est presque le salon Verdurin qui revient ici, les appâts, ça fait très XVIIe siècle, et surtout nostalgie et charme. Et nostalgie, mélancolie, nous l'avons vu, ce sont des adjectifs qui caractérisent ce Versailles ainsi rêvé. Voilà. Et pour le charme, sans passer par Paul Valéry, nous retrouvons évidemment la Carmen, l'idée de l'âme des lieux et que Versailles ne vaut que par ceux qui le hantent. Alors, miroir fidèle ou supplément d'âme, nous sommes dans la métamorphose. Chaque sonnet, c'est un petit tableautin. C'est la nostalgie d'une rive perdue, d'un poète exilé. Et puis évidemment, je pense doublement à Ovid. Les métamorphoses nous sont offertes par cette évocation de la Vénus Anadyomène de Boldini, qui se présente non pas comme une fille en fleurs, mais comme une femme en feuilles. Pensez à Daphné poursuivie par Apollon. Et l'on sait que Apollon Phébus, c'est Louis XIV. Alors je cite Montesquieu. Ah oui, combien de minutes? Quelques. Alors j'accélère. Donc c'est un double exil. Alors je cite, la végétale main d'une feuille de marronnier dont les cinq doigts mordorés comme un signe d'adieu de la mort des choses. Voilà. Et c'est pour cette raison que, alors là je m'achemine vers la conclusion, à l'histoire s'ajoute évidemment la géographie pour éviter cette vaporisation du moi cher à Baudelaire. Versailles, c'est bien trouver un lieu, un centre, une source d'inspiration. Voilà. Mais cette histoire est double. C'est à la fois la grandeur et la décadence de Versailles, la splendeur et la misère de la merveille ruineuse, d'après les termes de Montesquieu. Et moi, je joue avec les mots, j'aurais envie de dire, c'est aussi une merveilleuse ruine. Voilà. Il ne reste que des mots, des noms, hein, comme chez Proust, Venise, mot dans lequel il y a de la séduction de Venise et du ton anisé des lagunes, vocable où se mélange la vibration du verbe et celle du tressaillement. Voilà. Le topos de la mélancolie rejoint les contemplations de Victor Hugo. Pour Montesquieu, il y a l'homme sensible d'hier et l'homme émotif d'aujourd'hui. On retrouve la bipartition. On a aussi les méditations, hein, de Lamartine, mais non pas devant un lac, mais devant des bassins. Voilà. Et je terminerai en disant que Versailles, c'est aussi une saison mentale pour pasticher Apollinaire. L'automne est une allégorie. Les feuilles mortes sont, je cite, le linceul fulgurant de la terre. Il parle un moment du voile de Véronique dans le texte Tissu. C'est la saison mélancolique de Verlaine, post-romantique. Et je terminerai en disant que le collier est la circularité d'un recueil qui n'a pas vraiment de fin, avec une chronologie brouillée. C'est une promenade lecture dans un labyrinthe trompeur. Et Montesquieu est un guide qui a moins l'allure charmante d'Orphée que la barque d'un nocher. Il faut imaginer Caron dandy. Le poète Bifronce porte les masques d'Eros avec la naissance de Vénus, Vénus, Venise, Vétusté, Vénusté. Et l'écume des jours, pour le souverain des choses transitoires, fait de lui un véritable goéland suburbain. Mais à côté d'Eros, on retrouve, on s'y attendait évidemment, Thanatos, puisque, je cite un vers, un bain aux ondes deux fois empourprées. Entre le passé historique et le présent de la modernité qu'il exècre, Versailles apparaît donc comme une construction imaginaire, une utopie esthétique, un fantasme mêlant histoire et mise en scène personnelle. Et par métonymie, il pourrait dire « Versailles, c'est moi ». Voilà, je vous remercie.